J'marche comme Link dans le monde des corons. J'attends rien des hommes à part chez nous. J'suis comme Mowgli, j'fais Z de Zoro. Ouais. J'marche comme Link dans le monde des corons. J'attends rien des hommes à part chez nous. J'suis comme Mowgli, j'fais Z de Zoro. J'attends rien que cette tasse, pourtant elle doit. J'louche un peu, j'me dis non, chétan. Un plateau tout rouge, pars en décal. J'vagabonde partout comme Ekichi. Pas de chichi, cuisine-moi comme chichi. En mode shinobi, putain, zabi. J'dis un serre-coin, j'continue pour Kfebi. Petit déjà, j'voulais devenir chéri. Devant Zangief et la jambe de Chun-Li. J'suis pas cool à bon sus ma tebi. Tellement de flow, j'te coupe trois fois le flow repu. J'quitte le rein, t'es dernier Yankee servi. J'rentre petit flash, gros terre, devant la porte de la semi. Yeux rouges, fonce d'air, j'suis pas très poli. J'calcule pas la SS qui joue le gorille. J'vends la Rio, j'étais comme hiver. Easy ou hard, j'prends pas d'olive. Faut dire que j'y vais pas de ma mort. Que dire si ce n'est que le monde est fou. Animal jusqu'à la mort. Madame la juge, c'est la faute aux zoos. Faut dire que j'y vais pas de ma mort. Que dire si ce n'est que le monde est fou. Animal jusqu'à la mort. Madame la juge, c'est la faute aux zoos. Avoir la plus belle de l'hôtel. Elle casse les couilles, je casse mon tel. Je me casse, fais un tour, je tire sur mon pet. Pour mes rêves, la terre est trop petite. Crois pas qu'on a percé trop vite. Charbon, hiver, été, profit. Parce qu'on voulait changer trop de vie. Capuche, un toit sur la lune en pète. Millions de plus, personne s'inquiète. J'suis dans un guêle, pas trop elle. Elle a l'accent de PNL. Au milieu de là où j'aime danser. Fumer sans savoir où je vais. Où je suis ici, je me suis trop écarté. Dans du LV, même pas payé. Plus gros dans le passé, ma tête pour raconter. Mon cœur, moi pour aimer. Mon snap, c'est un défilé. On a souffert dans le passé. Promis que demain on se vengerait. Appris à marcher, on avait papier. Toujours un peu sale vu par où on est passé. La planète mer, mais personne voit. Moi je suis conscient, mais dans le nord. J'en veux plus de ce monde de pute. Sur le trône, le cœur presque noir. J'connais que le nom de son cul. Élevé par un bandit, la ré. Par le gang, par ma haine, t'as vu. J'les fume.